هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. بحول الله عز وجل، on continue avec la série sur la science ilm al-tajwid, la science du tajwid, et ceci afin ici de perfectionner sa lecture et de réciter comme il se doit le Coran al-Karim, comme Allah jalla wa ala nous l'a ordonné quand il dit wa ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa rattil al-Quran tartila, et récite le Coran comme il se doit, correctement, doucement, de la bonne manière. Et inshallah ta'ala, on va continuer avec les règles et on va terminer la règle concernant al-irfa. Donc si mes souvenirs sont bons d'après ce que les frères m'ont dit, donc je reprends rapidement concernant al-irfa. Donc c'était la dernière chose qu'on a vue lors du dernier cours. Dans la langue arabe, al-irfa signifie, ça signifie quoi? La dissimulation, al-irfa, caché, voilé, clair. Et on avait expliqué que c'est la prononciation du nun ici, ou du tenwin, qui se situe entre al-idhar ou al-idram. On a dit ça se situe entre al-idhar. Al-idhar, on a cité huruf al-idram, d'accord? Les lettres ici, huruf al-idhar. Les lettres de là, al-idhar, c'est la clarification, clair. Et on avait parlé aussi de huruf al-idram. Al-idram, c'est quoi? L'assimilation. On avait cité ça, on a dit ça entre bayna al-idram wa bayna al-idhar. Wadih. Donc ici, on avait dit que ça se situe entre al-idhar et al-idram en conservant la runna complète, al-runna kamila. Donc on prononce clairement la runna. D'accord? Ce n'est pas une runna qu'on appelle naqisa, c'est-à-dire qui est diminuée, qui est légère. Voilà qu'elle est complète, la runna kamila. Elle est de deux temps. On avait expliqué c'était quoi harakatan. D'accord? Ce n'était pas des secondes, mais c'est quoi harakatan? C'est voilà, le temps de, d'accord, sortir le doigt, ou alors de retrousser le doigt. 1, 2. Comme ça, on compte. Par exemple, pour les 4 temps, on va faire comme ça. Pareil pour les 6 temps. Voilà. Et pour les 2 temps. D'accord? Hakada. Wadih. Et on avait dit les 15 lettres, d'accord, lorsqu'ils sont suivis des 15 lettres restantes après avoir retranché les lettres de al-idhar et al-idram. On tire les lettres de l'idhar, on tire les lettres de l'idram, il nous reste 15 lettres. D'accord? Et ces lettres-là, on les avait citées. Et on avait dit que on prononce le nun as-sakina ou le tanwin d'une manière qui se situe entre al-idhar et al-idram. Clair? Et on avait rappelé de quelle manière, comment ça se passait un peu. C'est comme si, avant d'arriver sur, ici, al-idhar, d'accord? C'est-à-dire la clarification, on passait à l'autre lettre directement. Comme, mi-sharri, d'accord? Donc ici on l'annule pas al-idram, c'est-à-dire on va pas dire mish-sharri, mish-sharri c'est l'idram, et on va pas dire al-idhar, min-sharri, ça c'est al-idhar, c'est entre les deux. Mish, donc comme si on va s'approcher du nun, mish, et on passe mish-sharri, d'accord. Et là on avait ici rappelé brièvement qu'il y avait deux sortes de irfa, d'accord, donc deux sortes si on veut d'atténuation. Il y avait al-irfa bit-tarqiq ou al-irfa bit-tafkhim. Ça, j'avais expliqué brièvement en disant que bit-tarqiq, c'est quand on fait l'atténuation de façon aiguë. On fait un sourire avec la bouche. Mi-sharri. Et dans d'autres moments, on va faire al-irfa ici. Donc, on parle toujours de al-runna, bien sûr, kamila, complète. Donc, c'est le son qui sort de la cavité nasale. Et on a dit qu'il se faisait de façon emphatique, c'est-à-dire emphatisé, on remplit la bouche. D'accord, la bouche, c'est ce qu'on appelle ici at-tafkhim. Donc on va faire par exemple, et après on va expliquer rapidement inshallah ta'ala. Ici si on a min qabl, on va dire min qabl. D'accord? Contrairement à min sharri, Donc min shari c'est aigu, bitarqiq. Et min, donc ici on emphase, on remplit la bouche. Min qabl, ça c'est bitafrim. D'accord? Et quand on le fait avec at-tarqiq et quand on le fait avec at-tafrim, la ghunna va être faite de façon emphatique bitafrim, c'est-à-dire une ghunna mufakhama ici, si la lettre qui suit est, si la lettre qui suit donc an-nun as-sakina, elle fait partie des cinq lettres. Le dha, le ta, le qaf, le ba et le sa. D'accord? C'est les lettres ici emphasées. D'accord? Quand on les prononce, on remplit la bouche. Ça c'est simple à se rappeler. C'est les lettres que quand tu les prononces, tu vas pas les dire de façon aiguë comme shin, sin, dal, c'est aigu. Ça c'est des lettres qui à la base, ils sont emphasées. On va dire va, ba, qaf, sa. Ils sont déjà emphasés. Donc quand tu as min à nun sakina et que tu sais que après il y a une de ces cinq lettres qui est emphasée, à ce moment-là, elle irfa, l'atténuation, elle se fait avec emphase, on remplit la bouche. Elle suit la lettre qui est après. Comme on a dit le qaf min qabl, d'accord? Et ici, on va dire de cette manière-là min qabl, d'accord? Min, on va remplir la bouche. Clair? Et la ghunna va être faite de façon fine. Si la lettre qui suit est fine, c'est-à-dire muraqqaqa. C'est-à-dire si la lettre, elle fait partie des lettres qui sont fines, qui sont aiguës. Et ça, c'est les lettres connues. C'est-à-dire quand on les prononce, ici, on voit qu'ils sont fines. Fa. C'est pas comme qaf, da, sa. Non. Fa. Jim. Zal. Dal. Tha. Ta. Shin. Sin. Zay. Kaf. Vous voyez, toujours, j'ai un sourire avec la bouche. C'est-à-dire, c'est comme si je faisais un sourire. Ils sont fines, muraqqaqa, ils sont aigus. Wadih? Quand il y a une de ces lettres-là aiguë, eh ben, al-irfa, l'assimilation, elle est aiguë. Quand une lettre qui vient après nous, nasakina, ici est, emphasée, si on peut dire comme ça, hein, donc, mufakhama, donc, avec emphase, c'est fait partie de huruf, ici, les lettres qui sont emphasées. Donc, à ce moment-là, al-irfa, on va le faire. Ici, ça va être avec une runna mufakhama. Wadih? Une nasalisation emphatisée. D'accord? Si ça dit comme ça. Donc ici, wadih. Remarque ici, il y a une remarque, c'est si le nun as-sakina ou le tanwin, donc toujours on parle de nun as-sakina ou tanwin, parce que ce qui nous importe c'est le son n. Min, c'est le son dernier, le dernier son qu'on entend c'est quoi? N. Min. Ou bien, ici le nun, n. D'accord? Donc si le nun as-sakina ou le tanwin sont suivis par une hamza, ce qu'on appelle hamzatul wasl. Hamzatul wasl, et ça il y a une règle, et on en parlera de hamzatul wasl, incha'Allah ta'ala. Clair? Et pourquoi hamzatul wasl? D'où s'est sortie cette règle-là? On va en parler, bi'idnillah, on va revenir dans l'histoire la prononciation, et la façon de parler des arabes encore. La règle ne s'applique pas. Clair? Donc ici, si le nun as-sakina ou le tanwin sont suivis par une hamzatul wasl, donc une hamza de liaison, la règle ne s'applique pas. On ne fait ni un idgham, ni un idhar, ni un qalb ou un iqlab, mais le mieux on avait dit c'était al-qalb, ou ni un irfa. On prononce le nun avec une lettre brève, kasra, afin d'éviter la rencontre des deux lettres surmontées d'une sukun. Clair? Et ça facilite la prononciation de la lecture du verset. À titre d'exemple, dans surat al-ikhlas, d'accord? Fi surat al-ikhlas. Donc on a qul huwallahu ahad. Allahu samad. D'accord? Mais si on termine qul huwallahu ahad, c'est quoi? C'est un tanwin ici. Ahadun. D'accord? Ahadun. Et on a hamzatul wasl après. Tout de suite après on a hamzatul wasl parce qu'on recommence directement avec hamzatul wasl. Alif. Allahu. Mais quand tu continues, d'accord, si tu veux enchaîner le premier verset et le deuxième verset dans surat al-ikhlas, tu te retrouves avec un tanwin et directement après hamzatul wasl, la hamza de liaison. D'accord? Donc quand c'est ce cas-là, d'accord, et c'est des cas isolés, mais quand c'est ce cas-là, à ce moment-là la règle c'est quoi? C'est que on rajoute une kasra dans le nun du tanwin. D'accord? Dans le tanwin. Donc on va dire قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُنِ اللَّهُ الصَّمَدَ. Clair? قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُنِ. D'accord? C'est comme si on mettait une kasra dans le son du n. D'accord? Dans le tanwin. أَحَدُنِ. قل هو الله أحد الله الصمد. واضح؟ Ça c'est quand il y a le tanwin, il y a hamzatul wasl. واضح؟ On prononce le noun avec une lettre brève, kasra, afin d'éviter la rencontre de deux lettres surmontées d'une sukun. Clair? Parce que les deux sont surmontées d'une sukun. Et ça a été ainsi parce que dans la langue arabe, ça facilite la prononciation. Clair? Donc on va dire قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَّهُ الصَّمَدَ. Et si on s'arrête, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدَ. واضح. أحكام النون والميم. Les règles du noun et du mime. D'accord? Il y a des règles pour le noun et le mime, ce qu'on appelle al-mushaddatayn. C'est-à-dire, le mime et le noun qui sont doublés d'une shadda. Qui sont doublés, donc, plutôt, doublés, donc, avec une shadda. Donc, ils sont doublés, donc on met une shadda dessus. Exemple. Malikinnas. Malikin. Le noun, on va dire, elle est doublée. Donc, on met une shadda pour montrer qu'elle est doublée. Donc, on reste appuyé dessus. Combien de temps? Harakatan. D'accord? Donc, ici, deux temps. Donc, deux temps, c'est comme ça. Malikinnas. D'accord? C'est comme ça, les deux temps. On va pas dire Malikin Nas, non. Malikin Nas, khata. Malikin Nas, tout simplement. D'accord? Donc ça, à ce moment-là, quand il est à la shadda, donc la lettre elle est doublée, donc on met une shadda pour montrer qu'elle est doublée, et il faut faire une runna, la nasalisation. Le son toujours qui sort de la cavité nasale. D'accord? Qui sort de la cavité nasale. Donc ici du nez, le son et on avait dit dans le mime, et le noun, le mime, quand il est avec une sukun non vocalisée, il n'y a pas de harakat, c'est-à-dire ni fatha, ni kasra, ni dhamma. Donc, automatiquement, il a une runna. Contrairement à certaines explications de livres, si mes souvenirs sont bons, même dans le tajwid simplifié, première version, ils disent que là, il n'a pas de runna, et ça, c'est une erreur. Il a une runna. Lakin, elle est très très fine. Elle est très légère. Mais dans tous les cas, le n et le m, il y a une runna. Il y a une runna. Il y a des moments où, ici, la runna est plus prononcée que d'autres moments. Mais dans tous les cas, quand on dit n, le noun et le mime, il y a toujours une runna. Même si elle est ici, naqisa, si elle est faible, si elle est diminuée, lakin il y a une runna. Ici, il faut faire une runna, nasalisation, pour une durée de deux temps. Clair? Une durée de deux temps. Donc quand vous voyez une shadda, d'accord? La shadda sur une lettre, vous appuyez avec une nasalisation et deux temps. Malikin, c'est vous laissez n, vous laissez le son sortir du nez. Malikin nas, ilahin nas, tout simplement. D'accord? Là, je parle pas de le med après. Combien de temps il doit durer? 2, 4, 6, 100, on va le voir. Et un des plus grands chapitres, ou des plus longs chapitres, c'est les moudoud. Ça, on le verra dans les détails, insha'Allahu ta'ala. Wadih. Donc, on dit une shadda. Là, la lettre est doublée. On met une shadda. Deux temps. Avec une runna. Claire, Kamila. Wadih. Donc, là, on va s'arrêter avec, ici, Ahkamul Mim, As-Sakina, As-Shafawaya. Donc, ici, on parle de, ici, le Mim, As-Sakina. Le Mim, As-Sakina, est une, bon, il dit en français après les traductions, voilà, mais, le Mim, As-Sakina est une labiale. C'est-à-dire que c'est une lettre qui correspond au son émis lors du contact des deux lèvres. Pour ça, on dit ash-shafatayn, d'accord? Ça dépend si y a la conjugaison. Bref, les règles ash-shafatayn, d'accord? Ici, mais à la base, sans phrase, si on pose simplement le mot comme ça, ici on dit ash-shafatayn. Wadih. Donc ici, quand les deux lèvres se collent, d'accord? Donc ici, dans le cas du mime, lorsqu'il porte une sukun, donc c'est il n'y a ni fatha, ni kasra, ni dhamma. D'accord? Et est suivi d'une lettre. Donc il y a le mim, sukun, et il est suivi d'une lettre. Il existe trois règles possibles qui s'appliquent. Et là, on va voir les trois règles concernant mim sakina. D'accord? Donc on a al-irfa. Même avec le mim. D'accord? On a al-irfa. Al-irfa, on a dit c'est quoi? Al-irfa, c'est quoi? L'atténuation, la dissimulation, mais l'atténuation, je préfère l'atténuation. Al-idgham, d'accord? L'assimilation, d'accord? Et al-idhar, la clarification. Ça, on a vu ces trois règles dans quoi? Dans le noun. Clair quand al-idhar, quand on dit n, al-idram, quand on dit, par exemple, avec le noun al-sakina, wa man ya'mal, donc on annule. Idram, c'est ça, on annule. Assimilation, il est assimilé, il est avalé. Le noun, il n'existe plus. Wa man, dans les Corans avec les couleurs, on a la lettre de couleur grise. وَمَنْ يَعْمَلْ بِغُنَّةِ avec une runna, deux temps, harakatan. وَمَنْ يَعْمَلْ واضح. Et on a الْإِخْفَى مِنْ شَرِّ شين, ça fait partie des lettres حروف مُرَقَّقَة, d'accord, ici aigu. Et on a الْإِخْفَى, d'accord, avec une runna مُفَخَّمَة, parce que la lettre qui vient après, elle est emphasée. ضَ صَاد طَ etc. قَاف. Donc ici on va dire et il y a les règles de al-ikhfa, al-idhar, al-idgham pour le mime aussi. On va commencer avec ici al-ikhfa, la dissimulation ou l'atténuation. D'accord? Al-ikhfa al-shafawi. Al-ikhfa al-shafawi. Donc on va voir avec les lèvres comment on réagit avec cet ikhfa, mais avec le mime. Clair? Ici, nous appelons cet irfa, al-irfa al-shafawi, du simple fait qu'il sorte des deux lèvres. Donc, il sort des al-shafatayn. D'accord? Certains savants du tajwid ont vu al-idhar, mais cela reste un avis très singulier. Ça, laissez de côté cette phrase-là. On applique cette règle-là lorsque le mime al-sakina est suivi d'un ba. Al-irfa dans le mime, c'est quand qu'on l'applique? C'est quand il y a le mime, d'accord? Sakina, c'est-à-dire avec une sukun. Et tout de suite après, il y a quoi? Il y a le ba. واضح? Donc, à ce moment-là, le mime, il est dissimulé, atténué. C'est-à-dire qu'on le prononce d'une façon entre eux, pareil. Entre quoi? Al-idhar et al-idram. Et al-idram, on est dans l'irfa. Al-idhar, c'est dire clairement. Al-idram, c'est carrément de l'enlever. Mais al-irfa, c'est l'atténuation. Pareil pour le noun. Al-irfa, mish. D'accord? On ne dit pas mish. D'accord? C'est-à-dire al-idram. Et on ne dit pas min sharri. D'accord? C'est l'atténuation. Pareil avec le mime. Il y a al-irfa avec le mime. Quand il y a le mime, al-sakina, et après il y a la lettre ba. D'accord? Donc à ce moment-là, on va faire, ici, attention à bien faire al-runna kamila. Quand on dit al-runna kamila, c'est une runna, nasalisation claire de deux temps. Claire. Donc ici, la lettre ba, elle va être vocalisée. D'accord? Donc elle aura soit, par exemple, la fatha dessus. Donc on va la prononcer clairement, ba. Maintenant, nous, ce qui nous importe, c'est cette atténuation. Comment on va la faire? Claire? Ici, on pose les lèvres en collant les lèvres. En collant les lèvres. Par exemple, tarmihim, d'accord, on a le mim sakina, tarmihim, et ensuite on a le ba. Ah, le ba, on le prononce clairement parce que il a quoi? Il a une voyelle, il a la kasra. Tarmihim bihijara. Donc on a le bi, d'accord. Là, on a le mim sakina, ensuite on a le ba avec une kasra. Donc là, on a compris que à ce moment-là, on doit faire l'irfa. Maintenant, quel type de irfa on doit faire? Il y a une divergence au sein des savants, d'accord, concernant cette question-là. Certains savants, ici, ils ont dit comme quoi il faut faire, ici, ce qu'on appelle, on doit coller les lèvres. D'accord? Je me remémore la règle... Naam. Certains savants disent qu'on doit coller les lèvres. D'accord? Et d'autres savants, ici, considèrent qu'on ne doit pas coller les lèvres. C'est-à-dire, tu fais al-irfa, tarmihim, tu colles pas les lèvres. Tu fais pas tarmihim, non. Mais tu laisses une fente en faisant, ici, l'atténuation al-irfa, birunna, avec nasalisation, une fente très légère. De sorte que tu puisses, par exemple, mettre ou faire passer une feuille de papier. واضح? Et ça, cet irfa là, il a il a été entre guillemets, on va dire, hein, cette règle là, c'est-à-dire de laisser une fente, elle a été assez récente. D'accord? Ici, elle est apparue, Wallahu a'lam, à peu près il y a 40 ans derrière. À peu près une quarantaine d'années derrière. C'est-à-dire cette façon de faire. Et de là, ici, il y a un savant qui était, je pense, d'Égypte, hein, et ça c'est le cher docteur Ayman, hafidhahullah, qui est extrêmement fort, voilà, nous zakir Allah ahad dans les règles de tajwid. Lui qui explique ça en disant que ça c'était un shir qui était, Allahu a'lam, je pense que c'était d'Égypte, ala kulli hal, il y a 40 années à peu près derrière, qui a apporté cette façon de faire. Donc c'est récent. Contrairement à ce qui était connu, c'est-à-dire de coller les lèvres. D'accord? Tarmihim bihijar. D'accord? Donc ici, contrairement au fait de coller, non, de laisser une fente. Et il dit que ça s'est répandu parce qu'il avait une grande notoriété, il était très connu, c'était un grand savant de la lecture, et donc il a eu plein d'élèves, et qui venaient un peu de partout. Et donc ces élèves-là ont transmis cette science-là, cette règle-là, ici un peu partout où ils sont partis, que ce soit au Hijaz ou autre, en Égypte et autres, et ça s'est répandu un peu partout. Et il dit lui-même que lui, il est parti une fois, et alors que pendant 20 années, d'accord, il appliquait quelque part cette règle-là aussi, jusqu'à ce qu'il a recherché, il a vu qu'il n'y avait pas de chaîne authentique de transmission concernant cette règle-là. Il a vu quelque part, c'était nouveau. C'était comme c'était quelque chose de nouveau dû à un ijtihad d'un savant de la récitation, jusqu'à ce qu'il a dit, même une fois il a raconté en disant qu'il a été même devant lui, le shir une fois il se retrouvait devant lui, et il lui a dit voilà, il lui a posé la question sur cette règle là, et le shir il a répondu en disant, je sais plus exactement qu'est-ce qu'il a répondu, mais il lui a répondu de façon assez comment on va dire ça, assez énergique, quoi, assez, en lui faisant comprendre, un peu énervé, en lui faisant comprendre, voilà, je veux pas rentrer dans cette conversation, et il a dit de là j'ai arrêté. Et il a dit jusqu'à au jour d'aujourd'hui, je suis de l'avis comme quoi ça c'est une chose nouvelle due à un ijtihad et qu'il n'y a pas d'origine avec une chaîne de transmission fiable et authentique et claire. Mais c'est quelque chose de récent qui est apparu. Et donc lui, il maintient que l'avis prépondérant c'est de coller les deux lèvres. C'est un sujet de divergence au sein des gens de science et le mieux, wallahu a'lam, d'après ce qu'il a apporté comme argument, c'est de coller les deux lèvres. Et c'est ce qui était connu à l'époque des Arabes, même quand ils parlaient. D'accord? Donc, à la kulihal, le mieux de coller les deux lèvres, bien qu'il y ait une divergence. Donc, on va dire, tarmihim bihijara. Donc, on colle les deux lèvres, birunna harakatan, deux temps. Tarmihim. D'accord? Et ici, on a par exemple, alam ya'lam bi anna Allah yara alam. Ya'lam, d'accord? Bi anna. Donc on a le mim et ici on a le ba. Donc on va dire alam ya'lam bi anna Allah yara. Wadih. Ça c'est concernant al-irfa. On a concernant le mim al-idgham. Donc vous voyez, on retrouve, il y a noun, il y a ces règles là, al-idhar, al-irfa, al-idgham, et ici on a les mêmes règles mais c'est simplement avec le mim. D'accord, al-irfa, al-idgham et al-idhar. Donc là, on a vu al-irfa concernant le mim. Là, on voit al-idgham. Al-idgham al-shafawi, toujours, hein. Donc on parle des lèvres. Cet idgham est aussi appelé al-idgham. Ici, al-idgham al-mutamathilayn. D'accord. Donc ici, ou bien al-idgham al-mithlayn al-sarir. Car les deux lettres qui se suivent sont identiques. Donc il y a une assimilation. Parce que les deux lettres qui se suivent sont identiques. On applique cette règle lorsque le mim as-sakina est suivi d'un autre mim mutaharrika, c'est-à-dire qu'il a une voyelle. Il y a deux mimes qui se suivent. Le premier, c'est m, il a une sukun. Le deuxième mim, il est avec une haraka, soit a, soit i, soit u. Wadih? Donc ici, avec une voyelle, kasra, fatha ou bien dhamma. Donc, à ce moment-là, les deux mimes fusionnent pour n'en faire qu'un que l'on prononce avec une shadda et avec une runna kamila. Clair? Donc ici, il y a deux mimes qui se suivent. Un mime qui est non focalisé, il n'y a pas de voyelle, sakin. Et ici, le deuxième qui a par exemple une fatha comme dans le verset qu'on va voir de Surat al-Baqarah, verset 10. Surat al-Baqarah, verset 10. Ici, on va voir deux mimes qui vont se suivre. Le premier mime, c'est-à-dire il n'y a rien dessus, donc c'est m. Et le deuxième, il porte une haraka. Donc, il va porter ici, dans Surat al-Baqarah, verset 10, une fatha. Donc, c'est quoi qui se passe? Donc, il fusionne les deux. Il y a assimilation. Le deuxième mime assimile le premier, mais comme c'est deux mimes, ici, il porte une shadda. D'accord? Il y a assimilation. Et ici, il va porter une shadda. Et on va prononcer ce mime bi runna kamila. Donc on va dire fi qulubihim, d'accord? Et après on passe au deuxième mot, narad. D'accord? Donc ici on va dire comment? Fi qulubihim narad. D'accord? Donc fi qulubihim, et après on passe, on continue. Donc on va assimiler le deuxième, il va assimiler le premier, mais ça va faire comme ils sont fusionnés, il a une shadda. D'accord? Et ici, c'est ce qu'on appelle la règle de l'idram, l'assimilation pour le mime as-sakin. D'accord? Et on appelle l'idram as-shafawi fi qulubihim marad. D'accord? Donc ça, c'est l'idram. On a par exemple alayhim mu'sadah, alayhim mime, et ensuite on a mu'a. Il y a une dhamma dans le deuxième mime. Donc on va dire alayhim. Donc il faut comprendre cette règle là. C'est pas, ça suffit de savoir la lire. Maintenant tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est un idram shafawi. La deuxième lettre a fusionné dans la première lettre et à ce moment-là, elle porte une shadda avec une runna kamila complète, deux temps harakatan, et on dit ici alayhim mu'sada. D'accord? Alayhim mu'sada, deux temps. Et il y a plusieurs autres exemples. Par exemple, dans wa amanahum min khawf. D'accord? Wa amanahum min. Donc ici, il y a les deux mimes. Min, donc on voit qu'il y a une kasra dans le deuxième, mutaharrika. Ici, elle fusionne avec le premier. Une shadda, deux temps, runna, kamila. Wa amanahum min khawf. Wadih. Ça, c'est concernant al-idram al-shafawi. On a al-idhar al-shafawi aussi. Al-idhar, on a vu avec noun. Tu prononces noun. Et on a vu qu'il y avait des signes. Pour le noun, c'est quoi? Il y a un signe dans le Coran, à chaque fois, au-dessus, qui te montre que, ici, c'est l'idhar. D'accord? Après, ça devient mécanique, je vous ai dit, parce que vous allez voir tous les petits signes dans le Coran, ça vous facilite. Mais le but, c'est de connaître pourquoi, c'est quoi l'idhar. C'est que t'as une notion, tu sais c'est quoi l'idhar. C'est pas simplement c'est mécanique. Tu sais, comme ça, tu peux le réexpliquer à une personne. Et ici, quand tu connais les fondements, ça te facilite à bien articuler et prononcer comme il se doit. Al-idhar al-shafawi. Ça, c'est la clarification. D'accord? Donc, de, ici, la lettre mim. Et on applique cette règle lorsque le mim as-sakina toujours est suivi de toutes les 26 lettres. D'accord? C'est-à-dire, et il y a les 26 lettres qui suivent. Alif, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sad, da, ta, dha, ayn, ghayn, fa, qaf, kaf, lam, nun, ha, waw, ya. Wa, ya. Clair? Donc, on prononce le mime, as-sakina, et vous allez voir ici, un signe aussi au-dessus du mime, pour vous faciliter, et pour vous montrer qu'on doit prononcer le mime. Dans le Coran, quand vous voyez un signe au-dessus du mime, vous savez que c'est pas une fatha, c'est pas une dhamma, mais voilà, c'est un signe pour vous montrer, prononce le mime. Clair? Tu dois le prononcer clairement. Et à la base, le mime, il a une runna. Wadih? Et ici là, donc on prononce le mime as-sakina normalement et distinctement, donc distinctement, d'accord, sans runna de deux temps. D'accord? Là, à ce moment-là, la runna est donc diminuée ou partielle. Al runna, ce qu'on appelle naqisa. Et on prononce la lettre de l'alphabet qui suit. Clair? Par exemple, lam yalid wa lam yulad. Lam, tu prononces le mime. Mais il est sakina, il y a une runna, il y a toujours une runna. Mais on dit naqisa. Pourquoi? Parce que ici, tu passes rapidement. Donc tu l'entends très, de façon très, très, très, finement, si on veut. D'accord? Donc tu vas l'entendre vraiment doucement, rapidement. C'est pas comme si t'insistais dessus, comme mimba. D'accord, là il y a deux temps. Là non, ça va pas être une runna kamila complète parce que tu vas pas rester dessus sur le mim. Tu passes directement. Lam yalid wa lam yulad. D'accord? Tu passes directement. Mais lam ya, juste le fait de dire lam ya, même si je passe, le fait à partir du moment où je dis le son, la lettre, il y a une runna qui sort. Mais on l'appelle naqisa parce qu'elle est très légère. Wadih? Ça il faut le savoir. Et donc on dit lam yalid wa lam yulad. D'accord? Donc la runna, elle est, ils disent diminuée ou partielle. Donc elle est diminuée, c'est mieux naqisa, diminuée. Clair? Et il se produit lorsque le mime est suivi d'une par une des lettres de l'alphabet restante, sauf le ba, parce qu'on a vu la règle du ba. D'accord? On a vu la règle du ba. Le mime avant le ba, ça donne quoi? C'est quoi la règle? Al-irfa. Wadih? Clair? Et à la base, c'est une runna naturelle de un temps, car le mime, comme le noun, ont un point de sortie makhraj. D'accord? Le khayshoum. D'accord? Al-khayshoum, c'est la cavité nasale. Donc ici, noun ou mime, c'est un temps de runna. Dans tous les cas, il y a une runna. Clair? Donc ici, c'est un temps, simplement. Wadih? Exemple, lam yalid wa lam yulad. D'accord? Ou bien, lakum dinukum, lakum dinukum, lakum dinukum. Donc on a lakum. Ici, il n'y a pas de haraka dessus. Donc à ce moment-là, on va dire lakum. Donc on prononce le mime clairement. Wadih? Et on s'attarde pas dessus de temps. En faisant lakum din, non là on aurait dit c'est une runna kamila de deux temps, non lakum din, d'accord, et on passe directement. Wadih? Ici concernant al-idhar, il faut savoir que elle sera plus forte. Attention, ça veut pas dire qu'il y aura une shadda dessus, mais on est toujours dans mim as-sakina, c'est-à-dire mais il y a des moments où elle sera plus claire. Faut prononcer le mime de façon plus claire et plus forte, sans faire une shadda. Ici, quand elle sera suivie de deux lettres. Le wa, donc la lettre waw, le wa, ou bien le fa. Car ces lettres ont leur point de sortie makhraj, qui est les lèvres également. Et il devient facile au lecteur de dissimuler le mime. Parce que c'est ambigu, c'est-à-dire c'est les points de makhraj sont les mêmes, ça fait que tu peux dériver vers un ikhfa. D'accord? On s'efforcera alors à ce moment-là de prononcer plus clairement ce mime sakina au contact du waw et du fa pour ne pas qu'un ikhfa ne soit prononcé par mégarde, comme ils le disent ici. D'accord? On donne un exemple. Donc quand vous avez le mime sakina et ces deux lettres après, c'est une exception. On le prononce clairement. Même de toute façon, en général, on doit le prononcer clairement. Mais là, il faut faire plus attention à le prononcer plus clairement parce que la lettre fa, d'accord, et la lettre wa, d'accord, ici, a le même makhraj. Ça veut dire que quand une suit l'autre, ils ont le même makhraj, on voit qu'il y a une certaine ressemblance et par crainte de ne pas tomber dans un irfa. Par exemple, talfahu wujuhahum. وجوههم النار. الله يجي في القرآن الكريم في سورة المؤمنون verse 104. تلفح وجوههم النار. أي سي وهم فيها كالحون. هنا وهم ميم الساكنة. واضح؟ وهم فيها. أبخونا الفا. هنا انكسرة en dessous du fa. Donc on a le ميم الساكنة. Tout de suite أبخونا la lettre fa. Et quand tu vas réciter, tu vas voir que ici, il y a une ressemblance. C'est normal, ils ont le même makhraj. Donc pour bien différencier, parce que c'est ça at-tajwid. At-tajwid, c'est quoi at-tahsin? D'accord? C'est le fait d'embellir, de donner de façon technique, istilahan, à chaque lettre son droit, son dû. Donc pour cela, il y a des règles qui font que tu distingues bien entre les lettres. D'accord, tu arrives bien à séparer entre les lettres. Clairement, tu vois chaque lettre, cette lettre elle a rien à voir avec l'autre lettre, cette lettre là elle a rien à voir parce que tu appliques des règles qui font que ça embellit chaque lettre. Mais quand là tu vois il y a une ressemblance, donc là il faut bien distinguer entre les lettres. Mais ils ont le même makhraj, donc la seule solution c'est quoi? C'est d'appuyer bien sur le mime. D'accord? Sans mettre une chaîne dedans. Donc, au lieu de dire wa hum, parce que là voilà, on a wa hum. D'accord? fi séparé. Wahum fi, wahum fi. On sent qu'il y a une ressemblance. Donc là, ils disent d'appuyer bien sur le mim. Wahum fiha kalihun. Wahum fiha kalihun. D'accord? Tu passes pas rapidement. Wahum fi, wahum fi. Ça a le même makhraj. Ça peut prêter à confusion jusqu'à ce que si la personne n'appuie pas bien sur les lettres et récite rapidement bi sur'a, on va croire qu'il y a un petit irfa. Wahum fiha, wahum fiha. Wahum fiha. Vous voyez la différence? Deuxième fois, je bloque un peu. La première fois, je vais réciter rapidement. Wahum fiha, wahum fiha, wahum fiha. Et la deuxième fois, wahum fiha. Vous avez vu? Wahum fiha. Tu te bloques un peu. Wahum fiha. Faut que le mim soit bien prononcé. Wahum fiha kalihun. Wadih? Ou bien, tout simplement dans, fi surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha. Ghayri al-Maghdoubi. Alayhim wa. Ah, là, on est avec le waw. D'accord? Pareil. Makhraj. Donc, on a alayhim wa, alayhim wa. Donc, voilà. Ça sort du même endroit. Alayhim wa la, alayhim wa. C'est comme si tu récitais vite, c'est comme si t'allais faire un peu un irfa. Alayhim wa la, alayhim wa la. Vous entendez? Alayhim wa la. Mais quand tu récites bien le mime et t'as compris la règle, tu vas dire alayhim wa la. Et tu pars. Alayhim wa, alayhim wa la. Vois la différence ou pas? Alayhim wa la. D'accord? Donc tu restes sur le mime, mais sans mettre une shedda. D'accord? Alayhim wa la. Non. Alayhim wa la, alayhim wa la. D'accord? Donc voilà l'exception concernant al-idhar pour ne pas se tromper. Wadih? Et là, on rentre dans le chapitre de Al-Mudud. D'accord? Al-Mudud, donc, c'est Jam'u Mad. C'est le pluriel de Mad. Et on l'appelle Mad. D'accord? Ou on appelle par Mad ce que l'on définit comme un ajout. Comme un ajout. Et au point de vue du Tajwid, ici, c'est le fait d'allonger ou de prolonger le son de la voix. A, I, ou. C'est ça le med. C'est le fait dans Tajwid de prolonger le son de la voix lorsque l'on prononce la lettre concernée. À quelle lettre? C'est ce qu'on va voir. C'est ça la règle. Lorsque l'on prononce la lettre concernée. Quand on va prononcer certaines règles, tu vas être obligé d'appliquer un med. Et c'est quoi le fait de prolonger le son de la voix? A, I, O. Quelquefois deux temps, quelquefois 4 temps, quelquefois 4 ou 5 temps, quelquefois 6 temps. Quelquefois, tu auras le choix entre 4 temps et 2 temps. Quelquefois, ça sera obligatoire de faire 4 ou 5 temps. Donc, tu pourras pas faire en dessous. Quelquefois, tu auras le choix entre 4 ou 5 et 2. Tu auras le choix. Et quelquefois, ici, par exemple, Al-Mad Al-Lazim, obligatoire, 6 temps, c'est obligatoire de faire 6 temps. Et ça, c'est un des chapitres les plus longs. Donc, bi-idhnillahi azza wa jal, on va le voir, incha'Allahu ta'ala, dans les détails. Si je commence, ça va faire un peu brouillon, entre guillemets. Donc, bi-idhnillahi azza wa jal, comme ça va être le temps, de l'adhan, ça va bien, on va bientôt rentrer dans le temps de l'adhan. On va arrêter là, comme ça, le prochain cours, on va le réserver, du début jusqu'à la fin, bi-idhnillahi azza wa jal, sur les mudoud. Et c'est, comme je l'ai dit, un des chapitres les plus longs. Et ensuite, bi-idhnillahi, je pense qu'il y aura, je pense, Inch'Allah, en dehors de ce cours, 3 bons cours complets, je pense qu'on peut finir. Si on accélère un peu, on peut finir toutes les règles, Inch'Allah, ça nous ramènera à, là aujourd'hui c'était le 5e, 6, 7, 8. C'est comme à peu près ce que j'avais prévu à peu près, 7, 8 cours. Donc je pense, à part ce cours-là, 3 bons cours encore complets, bi-idhnillah. Et ensuite, Inch'Allah, comme je vous ai dit, promis, Inch'Allah, on prendra Sourate al-Fatiha, Sourate al-Ikhlas, et Rabbama al-Falaqinna, simplement, on fera la récitation. Et à la rigueur, on pourra faire des petites corrections, et même pour que les frères et les sœurs ici veulent corriger leur récitation dans Sourate al-Fatiha particulièrement, ils puissent prendre cet enregistrement comme référence, inshallah ta'ala, wa la nuzakki 'ala Allahi ahada, wallahu ta'ala a'lamu ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadha al-Qur'an yuwahhiduna li tariqil khayr yuwajjihuna, Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullahi mu'allimuna. ورسول الله معلمنا هذا القرآن. الخير يوجهنا الله تعالى.